trust me. Gros d'ailleurs, j'essaie d'oublier mes amis d'avant qui m'ont trahi. J'monte aux Pays-Bas, j'récupère la cam, j'ai la refourguée dans tout Paris. Entre le mal et le bien, mauvaise graine finira parmi les arbres les plus fleuris. J'ai des potes au bien, d'autres qui perdent la santé, le procureur les freine à fleurir. Ne t'attache pas à moi, sur mon pull tu vas laisser ton eyeliner. Ne t'attache pas à moi, le parloir ne va durer qu'une demi-heure. J'ai visé la lune, fini parmi les étoiles. J'oublie pas quand je me levais pour faire des temples. J'essaie de prendre des nouvelles, ceux qui étaient là et de ma famille. Dans les hauts et les bas, j'fais les comptes chez la nourrice, j'ai récupéré le colis. Pour que tu retiennes bien, j'te dirai pas tout car mon c'est mon oubli. J'ai du sang sur les mains, des armes, une équipe qui peut venir chercher dans ton lit. Ne t'attache pas à moi, sur mon pull tu vas laisser ton eyeliner. Ne t'attache pas à moi, le parloir ne va durer qu'une demi-heure.